إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، الحديث عن العظماء من العلماء ليس أمرا سهلا، فمهما اجتهدت في الإحاطة بعلمهم لن تستطيع أن تستوعب حياتهم. فسيرة العلماء الأوائل هي القدوة المثلى، وإبرازها تحفيز لفتياننا وفتياتنا للإفادة منها ولئلا يلتفتوا لقدوات هزيلة هابطة لا وزن لها في الدنيا ولا قيمة لها في التاريخ. حديثنا عن العلماء ليس تعصبا لأحد منهم، فكل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. عظيمنا الذي سنتحدث عنه اليوم أحد الأئمة الأعلام ومن الأفذاذ الذين قلما يجل الزمان بمثلهم، أحاط بالمجد من جميع أطرافه وبرز في كثير من العلوم، فهو عند المحدثين إمامهم وعند الفقهاء سيدهم وعند الحفاظ أميرهم وعند الشجعان رائدهم وعند الثابتين على الحق قائدهم، عالم لا كالعلماء وعالم لا كالأعلام، يعد بجدارة إمام القرن الثالث الهجري فريد عصره ونادرة نهده، قل أن يجول الزمان بمثله. إنه إمام أهل السنة، الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. شيخ سيدنا الله craignez Allah une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, le fait de parler des grands personnages parmi les savants de l'islam n'est pas une chose facile. Quel que soit ton effort, tu ne pourras englober leur vie. La biographie des savants des premiers siècles est pour nous le meilleur exemple, et le fait d'en parler est une incitation pour les jeunes de tirer profit de ces biographies et afin qu'ils ne prennent pas comme exemple des modèles sordides et médiocres sans poids ni valeur dans la vie ni dans l'histoire. En parlant d'un savant parmi les savants, cela n'est pas du fanatisme, car chaque individu, ses paroles sont parfois acceptées et parfois rejetées, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons parler aujourd'hui d'un célèbre savant, parmi les uniques de cette communauté, très noble, maîtrisant beaucoup de sciences. Il est chez les muhaddithin leur imam, chez les fuqaha leur maître, chez les mémorisateurs du hadith leur amir, chez les courageux leur leader, chez les gens attachés à la vérité, il est leur guide. C'est l'imam du 3e siècle de l'Égypte, l'unique de son siècle, c'est l'imam des gens de la Sunna, l'imam Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahmatullahi alayhi. Ayyuhal mu'minun, كان الإمام أحمد رحمه الله عالم العصر وزاهد الدهر محدث الدنيا عالم السنة بادل نفسه في المحنة وقبل أن ترى العيون مثله كان رأسا في العلم والعمل والتمسك بالأثر ذا عقل رزين وصدق متين وإخلاص مكين انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع. ولد الإمام أحمد رحمه الله ببغداد سنة 64 للهجرة النبوية وتوفي أبوه وهو ابن 3 سنين فكفلته أمه وينسب إلى جده لشهرته. نشأ الإمام أحمد ببغداد وتربى فيها تربيته الأولى وشب على حب العلم والعلماء واستمر في طلب العلم بعزم صادق حفظ القرآن وأقبل على الحديث والأثر حتى حفظ مئات الألوف من الأحاديث وألف كتابه المشروع المسند في مدة 60 سنة تقريبا. يقول عنه الإمام الشافعي رحمه الله: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أكثر من أحمد بن حنبل. يقول عنه ابنه عبد الله: قال لي أبو زرعة الرازي: أبوك يحفظ 1000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وكان أحمد شديد الإقبال على العلم، سافر في طلبه السفر البعيد، ووفر على تحصيله الزمان الطويل، ولم يتشاغل بكسب ولا نكاح حتى بلغ منه ما أراد. L'imam Ahmed était le servant de son siècle, l'abstenant de ce bas monde, le muhaddith par excellence, l'étendard de la sunna, offrant son âme lors de son épreuve que nous allons citer, al-mihna. C'est très rare que les yeux puissent observer un être semblable à lui. Il était un guide dans la science et sa mise en application dans l'attachement au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, possédant un jugement solide et une grande sincérité et une véracité énorme. Il était un imam dans le fiqh et dans le hadith et dans la sincérité et la crainte du Seigneur de l'univers. L'imam Ahmed est né à Bagdad dans 164 de l'Égypte. Son père est décédé alors qu'il n'avait que 3 ans. Sa mère s'est occupée de lui et il est affilié à son grand-père qui était célèbre. L'imam Ahmed a grandi à Bagdad et y a reçu l'éducation de base. Et il a grandi dans l'amour de la science et des savants et étudia la science avec sérieux et sincérité. Il a mémorisé le Coran dès son plus jeune âge, puis s'est dirigé vers le hadith et l'adab. Il mémorisa plusieurs centaines de milliers de hadiths et il écrit son célèbre livre « Al-Musnad » en une période de 60 ans. L'imam al-Shafi'i rahimahullah dit à son sujet: « J'ai quitté Bagdad et parmi les gens que j'ai laissés derrière moi, il n'y a pas meilleur, ni plus savant, ni plus pieux que Ahmed ibn Hanbal. » Son propre fils Abdullah dit à son sujet: Abu Zur'a al-Razi m'a dit: ton père mémorise 1 million de hadiths. Je lui dis: comment sais-tu cela? Il dit: je l'ai fait réviser un jour et j'ai appris de lui les chapitres des hadiths. Ahmed était passé, ou bien passé beaucoup de temps à étudier et il a voyagé très loin pour acquérir la science et il a consacré une longue période de sa vie à cela et il ne s'est pas occupé ni par le travail, ni par le mariage, jusqu'à ce qu'il ait acquis de la science ce qu'il désirait. Ibad Allah, al-ulama, lahum manzilatun azimah, wa makanatun rafi'ah, fa hum warathatu al-anbiya'i alayhimu s-salam. والعلم تاج يرفع من ذكر الإنسان ويعلي قدره وكم من أصيل النسب حطه الجهل وكم من وضيع النسب رفعه العلم فوق جميع الناس. يقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. عرضت عليه الدنيا فأباها والبدع فنفاها كان صابرا محتسبا وعلى نهج الصالحين متبعا. يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تدرك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله زاهدا قانعا وكان على قدم السلف الصالح سالكا فلم يقبل هدايا الخلفاء والسلاطين. يقول إسحاق بن موسى الأنصاري رحمه الله: دفع إلي المأمون مالا ان فيهم ضعفا فما بقي احد الا احمد بن حنبل فانه ابى. Chers serviteurs d'Allah, les savants et les ulama possèdent un rang élevé dans notre communauté car ils sont les héritiers des prophètes et la science est-elle une couronne élevant la renommée de l'homme et haussant son rang. Combien de gens nobles leur ignorance les a rabaissés et combien de gens humbles leur science les a élevés au-dessus de tout le monde. Des richesses lui ont été offertes, mais il n'en voulait pas. On lui a également proposé d'innover en religion, mais il a rejeté cela, patient et espérant la récompense de son Seigneur, suivant la voie des vertus, Allah nous dit dans le Coran, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Donc grâce à la patience, on réussit à vaincre les désirs, et grâce à la certitude, on réussit à vaincre les ambiguïtés. Allah Azza wa Jalla nous dit « وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ » C'est-à-dire que les croyants s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. L'imam Ahmed était abstinent et se contentait de ce qu'Allah lui avait donné. Et suivez la voie des deux prédécesseurs dans cela, ils n'acceptaient pas les cadeaux des califs et autres dirigeants. أيها المسلمون، كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا ذكر الموت هان علي كل شيء من أمر الدنيا وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئا وكان يأكل من عمل يده وإذا وجد خصاصة كان يؤجل نفسه للحمل في الطريق وأما زهده فقد قال عنه ابنه صالح بن أحمد ربما رأيت أبي يأخذ الكسر يعني الخبز الكارم ينفض الغبار عنها ويسكنها في قصعة ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح وما رأيته اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بطيخة وعنبا وتمرا. يقول عنه ابنه عبد الله كان أبي أحرص الناس على الوحدة كان يحب العزلة لم يره أحد إلا في المسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض وكان يكره المشي في الأسواق ولا يدع أحد يتبعه وتلك والله مقامة العظماء ومناهج العلماء الأتقياء وعن شدة خوفه من ربه جل وعلا يقول عنه المروزي كان الإمام أحمد إذا ذكر الموت خنقته العبرة وكان يقول الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب وقال ابنه عبد الله دخلت عليه يوما من الأيام في غرفة مظلمة فوجدته متربعا يبكي فقلت له يا أبي ما شأنك لم تجلس هذه الجلسة وتبكي قال يا بني أتفكر في القبر وأهواله وأتفكر في اليوم الآخر فقلت يا أبي هل أتكأت أي أنت رجل كبير على الأقل اتكي فقال أستحي أن أناجي ربي وأنا متكئ وكان من شدة ورعه رحمه الله أنه كان لا يحدث إلا في كتاب خشية الزلل مع قوة حافظته وشدة عارضته. Chers musulmans, l'imam Ahmed rahimahullah disait « Lorsque je me rappelle la mort, toutes les choses de ce bas monde paraissent faciles. La nourriture ici-bas est une nourriture médiocre. Les vêtements sont des vêtements médiocres. La vie ici-bas ne dure que quelques jours. La chose que je préfère le plus est la pauvreté. » Et rahimahullah, il mangeait du travail de ses mains. Et lorsqu'il était dans le besoin, il louait ses services pour porter des choses dans les rues. Quant à son abstinence, son fils Salah, Ibn Ahmed nous dit « J'ai souvent vu mon père prendre du pain rassis, retirer la poussière, le recouvrant, le mettre dans un plat, puis verser de l'eau dessus et le saler puis le manger. Et je n'ai jamais vu acheter une grenade ou un autre fruit sauf le melon ou du raisin ou des dattes. Son fils Abdullah nous dit qu'il aimait beaucoup être seul. Personne ne le voyait sauf à la mosquée ou à suivre une janaza ou à visiter un malade. Et il détestait marcher dans les marchés. Contrairement à beaucoup d'entre nous qui font l'inverse. Ils aiment marcher dans les marchés et n'aiment pas être à la mosquée. Et l'imam Ahmed son fils nous dit également et il ne laissait personne le suivre. Quant à sa crainte de son Seigneur, Al-Mabrouzi nous dit, lorsque la mort était évoquée auprès de lui, il était étouffé par l'exhortation et il disait, la peur m'empêche de manger et de boire. Son fils Abdullah nous dit, je suis entré un jour dans une question et j'ai trouvé mon père assis en tailleur pleurant et je lui dis, ô père que t'as-tu, pourquoi es-tu assis à pleurer? Il répondit, ô mon fils, je me rappelle la tombe de son atrocité et je me rappelle le jour dernier. Je dis, ô père, pourquoi ne te manges-tu pas? Il dit, j'ai honte d'invoquer mon Seigneur en étant allongé. Et de sa grande crainte d'Allah, il ne rapportait ni ne dictait de hadith qu'en lisant ce qu'il avait écrit dans son livre, de peur de se tromper, malgré sa grande mémoire. Aïbad Allah. Amma ibadatuhu, faqad sahha anhu, anna ibnahu Abdallah ibn Ahmed, qala, kana abi, yusalli fi kulli yawmin wa laylatin, ثلاث مئة ركعة فلما مرض من تلك الأصوات أضعفته فكان يصلي في كل يوم وليلة 150 ركعة وكان قرب الثمانين ويقول أبو عصمة ابن عاصم البيهقي بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه إلى جنبي فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان فقال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له غيرة من الليل أما حياته الأسرية فلم تشغله هموم العلم والدعوة والإصلاح والجهاد عن أسرته وحسن عشرة لأهله وزوجه يقول الإمام أحمد رحمه الله تزوجت أم صالح فأقامت معي 30 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة. Cher serviteur d'Allah, quant à son adoration, son fils Abdullah nous dit « Mon père priait chaque jour 300 rak'at. » Il priait chaque jour 300 rak'at, puis lorsqu'il tomba malade à cause des coups de fouet qu'il avait reçus, il ne priait plus que 150 rak'at par jour et il était presque à 80 ans. Abu Isma ibn Asim al-Yaqin dit « J'ai passé la nuit chez l'imam Ahmed ibn Hanbal. » Et avant de dormir, il a posé à côté de moi un récipient rempli d'eau. Puis le lendemain matin, il s'est aperçu que le récipient n'avait pas bougé. Et il dit alors, subhanallah, un homme recherchant la science, ne priant pas la nuit. Il était étonné de cela. Quant à sa vie familiale, ni la science, ni l'enseignement, ni la da'wa, ni le jihad ne l'ont privé de sa famille et d'avoir un bon comportement avec sa famille et ses enfants. L'imam Ahmed dit en parlant de lui-même, je me suis marié avec Oum Saleh et on est restés ensemble 30 ans et nous n'avons jamais divergé, ne serait-ce que pour une parole. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من انتمى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها المسلمون، لعل أعظم مهنة وفتنة تعرض لها الإمام أحمد رحمه الله هي مهنة خلق القرآن. استطاع المعتزلة خلالها التسلل إلى قلب المأمون وأقنعوه بمسلكهم الفلسفي في التفكير الذي نتج عنه إنكار صفة الخالق سبحانه وتعالى ومبينها صفة الكلام. ومن ثم دعوة المأمون العلماء إلى القول بخلق القرآن. كان المأمون يجبر العلماء على قوله أن يحمل الناس على ذلك إلا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أبى واستعصم وثبت على الحق في الوقت الذي تراجع فيه كثير من العلم عن قول الحق وتصدى لها أو تصدى لهذا التيار الإمام أحمد بن حنبل وابتلي في هذه المهنة فثبت على نهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة في التوحيد والصفات وإنزال القرآن حتى أوذي وامتحن فصبر وصابر ولم يتزحزح عن قول الحق حتى ربط موقفه في محنته بموقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول علي المديني رحمه الله شيخ البخاري لقد أعز الإسلام لقد أعز الإسلام برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون شعب الزمان La pire des épreuves qu'a subi l'imam Ahmed est sûrement l'épreuve de la création du Coran. Mirnatu al Coran. Cette parole était la vie de la secte al-Mu'tazila et leur avis a réussi à entrer dans le cœur du dirigeant al-Ma'moud et ils ont réussi à le convaincre de cela. Et à partir de cela, al-Ma'moud demanda à tous les savants de l'époque d'attester que le Coran était créé, alors que le Coran est la parole d'Allah Azzawajal. Il voulut imposer cela comme croyance aux gens, mais l'imam Ahmed Rahimahullah refusa et s'attacha à la vérité à une période où beaucoup de savants ont cédé à cette demande de Al-Ma'moud. L'imam Ahmed se chargea de cette mouvance et fut éprouvé par cette épreuve et s'accrocha au Coran et à la Sunna. Et grâce à sa fermeté, il fut comparé à Abu Bakr al-Siddiq. L'imam Ali al-Madini Rahimahullah dit l'islam fut renforcé par deux hommes. Car Abu Bakr al-Siddiq le jour de l'apostasie et par Ahmed le jour de l'épreuve, c'est-à-dire lorsqu'on a demandé aux gens de dire que le Coran a été créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'il a dit il ne cessera d'y avoir dans ma communauté un groupe sur la vérité jusqu'au jour dernier, ils seront attachés à cela. وقد حبس وعذب وقتل في هذه المهنة خلق كثير في العراق وغيره وكل هذا بسبب ما أدخله المأمون على الناس من هذه العقيدة الفاسدة والله حسيبه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما أظن أن الله يغفل عن المأمون ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها وثبت في بادئ الأمر في بغداد أربعة من العلماء الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح واثنان آخران ما لبث أن راجع وقال مثل ما قال الناس وبقي الإمام أحمد ومحمد بن نوح صادرين على رأيهما ثم بعد ذلك أمر المأمون أن يحمل له الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح فأرسل مقيدين على بعير واحدة فأما محمد بن نوح فمات في أثناء الطريق قبل أن يصل إلى مقر خليفة المأمون وبقي الإمام أحمد بن حنبل فدعا الله عز وجل في أثناء الطريق ألا يريه المأمون وأن لا يجتمع به فاستجاب الله عز وجل دعاء الإمام أحمد فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد فأعيد الإمام أحمد إلى السجن مرة أخرى Fut emprisonné pendant cette épreuve et torturé et tué beaucoup de gens en Irak et ailleurs. À cause de cette affaire, à cause de cette nouvelle croyance que voulait instaurer Al-Ma'moun, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit je ne pense pas qu'Allah Azza wa Jal oubliera Al-Ma'moun. Il faut forcément qu'il le punisse pour avoir traité la communauté de la sorte en faisant entrer les sciences philosophiques dans la croyance. Au départ, quatre personnes restèrent fermes dans leur croyance. L'imam Ahmed, Mohammed ibn Nour et deux autres savants qui rapidement changèrent d'avis. Et il resta l'imam Ahmed et Mohammed ibn Nour sur leur avis que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal. Même les savants qui ont changé d'avis, c'était sous la torture et sous la menace. Al-Ma'moud ordonna qu'on lui apporte un seul chameau, Mohamed Koundou mourut en chemin et resta l'imam Ahmed qui invoqua Allah Azzawajal de ne pas lui faire voir le Ma'moun et de ne pas le rencontrer. Et Allah Azzawajal exauça son invocation et le Ma'moun mourut avant que l'imam Ahmed n'arrive à lui et il fut remis en prison une seconde fois. ثم تولى خلافة بعد المأمون المعتصم وكان المأمون قد أوصاه بالاستمرار على قول خلق القرآن وكان الإمام أحمد في السجن وكانوا يحضرونه من السجن في كل مرة وكان جمع من العلماء يناقشونه في خلق القرآن وكان الإمام أحمد يستدل بالقرآن والسنة ويقول لهم أعطوني دليلا واحدا من الكتاب أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعالج في السجن وأحضر المعتصم له الفقهاء والقضاة فنظروه بحضرته ثلاثة أيام وهو يناظرهم ويظهر عليهم بالحجج القاطعة ويقول أعطوني دليلا من كتاب الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقال المعتصم قهرنا أحمد وتحدث المشاة عنده من علماء السوء أنه قد غلب خليفتين فأخذته العزة بإذن فشتم الإمام أحمد وهدده بالقتل فقال له الإمام أحمد يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث فبما تستحل دمي وأنا لم آت شيئا من هذا يا أمير المؤمنين تذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل كوقوفي بين يديك فلما رأى المعتصم ثبوت الإمام أحمد وتصميمه الآن ثم أعيد إلى السجن مرة أخرى. Ensuite, après le Ma'moun, prit le pouvoir et le Mu'tasim. Et le Ma'moun lui avait ordonné de continuer à inciter les gens à dire que le Coran était créé. Et l'imam Ahmed Rahimahullah était en prison, et à chaque fois on le faisait venir, et des savants débattaient avec lui sur la création du Coran, et il leur disait seulement « Donnez-moi une preuve à cela, tirée du Coran ou de la Sunna. » Et il le renvoyait en prison. Un jour, ils débattirent avec lui trois jours, et l'imam Ahmed leur prouvait que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jalla, et n'est pas une création, et leur demandait des preuves de ce qu'ils avançaient. Et certains disaient alors « Ahmed nous a vaincus » et d'autres disaient « Ahmed a vaincu le calife » Al-Ma'moun et Al-Mu'tasim. En entendant cela, Al-Mu'tasim insulta alors l'imam Ahmed et le menaça de mort. Et l'imam Ahmed lui dit « Ô chef des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est permis de tuer un musulman attestant que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que le prophète est le messager d'Allah que pour trois causes. Comment peux-tu donc prendre mon sang licite alors que je n'ai pas commis une de ces trois choses ?» Il lui dit ensuite « Rappelle-toi, lorsque tu seras debout devant Allah, comme moi je le suis devant toi. » Lorsque Al-Mu'tasim vit la détermination de l'imam Ahmed, il s'adoucit et fut ramené en prison. Ayyuha al-Mu'minun, أخرج الإمام أحمد في رمضان وهو صائم وجعلوا والعياذ بالله يضربونه وأتى المعتصم بجلادين كلما ضرب أحدهما الإمام أحمد صوتين تأخر وتقدم الآخر والمعتصم يحركهما للتشديد في الضرب وهو يقول شد عليه قطع الله أيديكم يقول واحد ممن جلده والله الذي لا إله إلا هو لقد جلدت الإمام أحمد بن حنبل جلدا لو جلدته بعيدا لمات فيجلد الإمام أحمد حتى يزيل دم الإمام في الأرض ثم نزل المعتصم من كرسيه وجاء للإمام أحمد وهو يقول له قل بما قلت لك بأن القرآن مخلوق وسأتركك فيقول له الإمام أحمد أعطوني دليلا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقوله بعد ذلك جردوه من ثيابه ولم يبقى عليه إلا إزاره وصاروا يضربونه حتى يغمى عليه فيفيق ثم يعاد عليه الكرة يقول الإمام أحمد فذهب عقلي عند ذلك فلم أفق إلا وقد أفرج عني ثم جئ بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم ف فحضرت صلاة الظهر فصليت فقالوا صليت والدم يسيل منك فقلت قد صلى عمر رضي الله عنه وشرحه يتعب دما ثم دخل بعد ذلك إلى بيته فلما مكث مدة من الزمن في بيته وبرئ جراحه وقوي جسده خرج إلى المسجد وصار يدرس للناس ويملي عليهم الحديث ولم يمنعه من ذلك أحد. On le fit ensuite sortir pendant le mois du Ramadan. On le fit sortir pendant le mois du Ramadan et il jeûnait et il le battait. Et Al-Mu'tasim amena deux hommes pour le fouetter et se relier à fouetter l'imam Ahmed. Al-Mu'tasim les incitait à le fouetter le plus fort, à le fouetter le plus fort possible. Un des deux dit ensuite, Wallahi, j'ai fouetté l'imam Ahmed d'une manière, si j'avais fouetté un chameau de la même manière, j'en serais mort. Et il fouettait l'imam Ahmed jusqu'à ce que son sang coule par terre. Al-Mu'tasim descendit de son trône et vint vers l'imam Ahmed et lui dit, dis ce que je t'ai ordonné de dire, que le Coran est créé et je te laisserai. Et l'imam Ahmed rahimahullah disait, donne-moi une preuve du Coran et de la Sunna sur cela pour que je dise cela. Et ils le dénudèrent et ne lui laissèrent que son visage et ils le frappèrent jusqu'à ce qu'il s'évanouisse et il se réveillait et ils le refrappèrent et à chaque fois il s'évanouissait. Et l'imam Ahmed nous dit, je me suis réveillé libre. On l'amena ensuite chez Ishaq ibn Ibrahim et lors de la prière de Zohar arriva et il pria. On lui dit, tu pries alors que le sang coule de tes blessures. Il répondit, Omar a prié alors que ses blessures versaient du sang. Puis on l'emmena vers sa maison, puis après une période, il fut guéri de ses blessures et son corps reprit de la force, et il sortit vers la mosquée et recommença à enseigner et à dicter aux gens le hadith, et personne ne lui en empêcha. يقول أبو علي الحسن بن عبد الله القرافي رحمه الله بت مع أحمد بن حنبل ليلتين فلم أره ينام إلا يبكي إلى أن أصبح قلت يا أبا عبد الله كثر بكاؤك الليلة فما السبب؟ قال أحمد ذكرت ضرب المختصم إياي ومر بي في الدرس قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فسجدت وأحللته من ضربي في السجود فسمحه الإمام أحمد رحمه الله وتوفي سنة 41 للهجرة النبوية. شخص رحمه الله أبو علي الحسن بن عبد الله الحرقي رحمه الله دي. J'ai passé une nuit chez l'imam Ahmed et je n'ai pas pu dormir, mais beaucoup pleuré jusqu'au matin. Et je lui ai dit, oh Abu Abdillah, tu as beaucoup pleuré cette nuit, quelle est la cause? Il répondit, je me suis souvenu des coups de Al-Mu'tasim. Et pendant mon cours, j'ai lu le verset où Allah Azza wa Jalla dit, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, est une mauvaise action identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Je me suis alors prosterné et je lui ai pardonné de m'avoir frappé pendant ma prosternation. Et même Ahmed Rahimahullah, du fait qu'il connaissait les bienfaits et les vertus du pardon, il pardonna à Al-Mu'tasim de l'avoir fait subir ce qu'il a subi. Et même Ahmed Rahimahullah est décédé l'an 244 de l'Hijr.